Bonjour, Jacques Régan. Donc, je suis producteur sur Parentis en Borne, dans le réseau des paysans de Rougeline. C'est une marque que vous pouvez trouver dans la grande distribution, Rougeline. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est 160 producteurs sur un axe de Bordeaux-Lyon, principalement Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ont comme axe commun de produire sous serre et être des gros consommateurs d'énergie, et aussi d'avoir mis en commun la commercialisation pour être plus fort par rapport à la grande distribution où on commercialise plus de 80% de notre production, 90%. Ouais. Donc qu'est-ce que l'on représente? On représente sur la tomate, on est le deuxième opérateur national, 8% de la consommation française. Premier opérateur sur la fraise, donc et le reste, je dirais, c'est des légumes, on appelle ça ratatouille un peu et un peu de salade. Voilà. Historiquement, le siège est à Marmande, parce que historiquement, les paysans de Rougeline étaient sur Marmande pour faire de la tomate au départ. Aujourd'hui, de par notre grosse consommation d'énergie, les serres sur le Lot-et-Garonne se sont reconverties sur la production de fraises et les producteurs les plus compétitifs, pour rester compétitifs et exister, sont partis sur des ressources en énergie le moins cher possible. Donc nous ici, on est partis sur Parentis en Borne. Il y en a d'autres qui sont, vous pouvez les trouver dans la Drôme, sur des centrales nucléaires à récupérer l'eau chaude, ou en Provence. Donc je vais vous parler un peu plus de ce qui se passe à l'intérieur d'une serre. Nous, dans Rougeline, on a intégré la démarche depuis quelques années c'est du développement durable et de l'économie circulaire, où on a mis 6 points en avant. Donc l'énergie, on essaye de ne plus utiliser d'énergie fossile du tout. On essaye de gérer l'eau le mieux possible et que tout ce que l'on consomme, on va le réutiliser en circuit fermé, on va l'analyser et on va le désinfecter. On n'utilise plus d'insecticides ni de fongicides, on utilise des auxiliaires et des technologies, que ce soit de la brumisation ou quoi, pour éviter les maladies. Et après, la gestion des fertilisants va de pair avec nous pour la gestion de l'eau. On ne rejette rien dans la nature, on recycle 100%. La gestion des déchets aujourd'hui, c'est un peu notre maillon faible, parce qu'on utilise une tomate est plantée en gros au mois de novembre, va être arrachée au mois d'octobre. On va l'attacher sur une ficelle et on va l'accrocher avec des clips. Aujourd'hui, on a ces deux éléments, la ficelle et le clips, qu'on n'arrive pas à recycler de par des contraintes technologiques, parce que le cycle étant de 11 mois, la ficelle ne va pas supporter, ou les rayons ultraviolets vont casser la lumière. L'éclipse, la même chose. Pourquoi c'est un souci pour nous? Parce que quand on sort la culture, on recycle tout, on passe ça dans des méthaniseurs ou en compost, notre culture. Donc aujourd'hui, la ficelle et l'éclipse, c'est un souci. Il y a des essais qui sont faits en Hollande où aujourd'hui, on est sur plus de 10 fois le prix actuel. Donc il y a encore des marges de manœuvre. Et la dernière chose, on essaye de travailler avec de la main-d'œuvre locale et de fidéliser la main-d'œuvre et de travailler sur l'ergonomie pour fidéliser le personnel. Voilà. Ça, c'est un peu notre bible que l'on a. Donc, pour vous parler d'économie circulaire, donc je vous ai dit qu'on était des gros consommateurs d'énergie, 1 mégawatt pour un hectare de tomates. Ça représente un budget quand il y a des gens qui sont dans le gaz, donc 150 000 euros pour la cogénération par hectare et par an. C'est à 33% du chiffre d'affaires pour certains 40%. Donc c'est un poste important et où on essaye de travailler. Sur la main d'œuvre, on économise le plus possible, mais il y a des tarifs en ordre. Les investissements, on ne peut pas acheter moins cher que ce que les gens vendent. Donc aujourd'hui, où on a une marge de manœuvre, c'est effectivement sur l'énergie. Donc nous, on est parti sur la réflexion qu'il y avait un pétrolier dans les Landes qui était à Parentis, qui exploite du pétrole et qui rejetait de l'eau chaude. Pour 100 litres qui remontent du sol, donc ils vont pomper à 2,5 km, Sur 100 litres, il va y avoir 2 litres de pétrole maximum. Le reste va être de l'eau entre 55 et 65 degrés et va être réinjecté dans le puits. Donc nous, le but du jeu, c'était d'aller avec un échangeur thermique récupérer cette chaleur. Récupérer la chaleur, pas récupérer l'eau. Hein, d'accord, c'est pas l'eau du pétrole. Pas bien. Donc on récupère la chaleur et on va chauffer des serres. Ça nous permet d'avoir un coût faible. Et ça permet à l'industriel d'optimiser avec ses communications. Et ça lui permet de valoriser de ses forages. Donc nous, on utilise ça, on a un partenariat pendant plus de 30 ans. On développe aussi, on envisage aussi l'avenir après les 30 ans à venir, en installant une cogénération au gaz, pour au cas où il y ait quelque chose demain, avoir un secours pour pérenniser notre activité. Donc, quand ils exploitent du pétrole, vous avez tous vu sur les forages de pétrole des torchères qui brûlent. On a essayé de le valoriser parce que ça représente beaucoup d'énergie qui part et un souci de pollution. On s'est affronté au service de l'État. Aujourd'hui, personne n'est capable de le faire bouger, même si on a apporté des solutions technologiques. Ça pourrait permettre de créer 40 emplois. Voilà. Donc nous, on s'est spécialisé sur ces tomates, faire des tomates avec du goût. Ça n'a rien à voir avec, pas par rapport au pétrole. C'est une démarche par rapport à une attente du consommateur donc qui est prise en compte. Et sur Parentis, on s'est spécialisé sur des petits fruits de diversification. Et on s'est identifié par rapport à la grande distribution sur des niches où on est au-dessus pour vous certifier par rapport au bio que vous avez en référence. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est considéré supérieur au bio dans tous les pays de l'Europe. Nous, ce que l'on fait, ça ne l'est pas parce qu'on utilise un support qui est inerte. Voilà. Donc il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen sur les cultures, mais on est confronté à la concurrence en Hollande ou en Belgique, ils font la même chose que nous, ils peuvent être certifiés bio. Nous, en France, on ne peut pas par rapport au. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que ça représente à 15 à 17 hectares, ça fait 150 emplois, 45 CDI. Commercialisé principalement dans le sud-ouest, grand sud-ouest, 75%. Et le reste sur Paris à l'exportation. Voilà. Oui, deux questions. Vous avez parlé tout à l'heure de créer 40 emplois avec l'oxyde de soufre. Est-ce que vous pouvez juste préciser de quoi ça retourne? Et deuxièmement, pour le bio, est-ce que c'est parce que vous utilisez des engrais chimiques? C'est pour ça que ça peut pas être bio, c'est ça? Par le code minier entre services de l'État et du ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie qui est dans le même ministère maintenant ont un problème de gestion de l'eau chaude quand elle vient du sol par géothermie ou quand on utilise aussi le soufre pour chauffer de l'eau pour faire de turbiner. Aujourd'hui le soufre est rejeté dans l'air, il est corrosif et tout. Nous aussi, on a essayé par des process de faire du turbinage avec différents systèmes qui sont onéreux, mais on a trouvé une solution technique. Nous, pourquoi 40 emplois? Parce que l'énergie qui est rejetée tous les jours nous permettrait de chauffer 5 hectares de serre, et 1 hectare de serre, c'est en moyenne. Sur le bio, on ne rappelle plus trop de la. Les engrais. Alors non, la certification non, c'est que la nomenclature. On utilise un substrat qui est issu de fibres végétales et des rejets de l'offrande du noix de coco. Tout ça c'est récupéré, c'est mélangé, et c'est broyé, calibré et on fait des pains de culture. Le code de la certification biologique en France, le cahier des charges est qu'à partir du moment où on ne plante pas une plante dans un sol, on n'est pas éligible, même si on n'utilise pas d'insecticides ou quoi. Vous pouvez être certifié bio et utiliser des insecticides, fongicides. Hein, La roténone, non, est interdite, hein, je vous rassure. 3 ans. Donc, il y a d'autres produits, d'autres macérations où on arrive à. Le cuivre, par exemple, que vous connaissez en culture conventionnelle, est autorisé 15 jours avant récolte, mais en culture biologique, il est utilisé, il est moins méchant. À 4 fois la dose, on l'utilise 8 jours avant récolte. Donc, ça, c'est le cahier des charges du bio. Donc, des questions. Engrais, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des engrais certifiés bio. Ils viennent, on a de l'azote, du phosphore, de la potasse qui viennent, qui sont certifiés. Aujourd'hui, technologiquement, on a la solution. Même en engrais liquide ou quoi, Allemagne ou Hollande, là-dessus, on a des solutions. Non, ça vient juste du fait que le fait que ce soit du hors-sol, pour les autres pays européens, c'est pas un problème parce qu'on utilise un substrat vierge, neuf, qui n'a pas subi de traitement insecticide ou chimique, alors qu'en France, non, on est encore pour batailler quelques années. Quoi, voilà. Des préparations qui n'ont pas forcément. Compris de synthèse d'ailleurs. Voilà, donc c'est Aurélie Delabre, pour moi, je revenais sur le partenariat que vous avez Vermilion, je crois. Je voulais savoir comment, d'où était né ce partenariat. Eric Buffo a parlé tout à l'heure des camions qui passaient finalement devant l'entreprise. Comment a été conduite cette rencontre à l'initiative ? Et finalement, est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres partenariats à conduire que vous avez fait de manière informelle ? Ça s'est fait, il y a la différence d'âge avec certains producteurs chez nous en interne. Je pense que certains, quand ils arrivent au bout de leur chemin de vie, les agriculteurs n'ont pas forcément envie de réinvestir. Nous, on est sur des investissements. Un hectare de serre, c'est 1 million d'euros pour vous situer. Quand on est plus jeune et qu'on est dans la démarche de gestion et de respect un peu de l'environnement et de prise de pas les mêmes attentes personnelles, ce qui est bizarre, c'est que ceux qui sont les instigateurs sont pas forcément aujourd'hui ceux qui ont une démarche la plus environnementale sont pas forcément des fils d'agriculteurs aujourd'hui. Et sur des projets comme ça, en fait, le nombre d'agriculteurs d'origine du monde agricole est de 25%. Donc on est 75% à ne pas être du monde agricole. Je suis pas originaire du monde agricole. Donc on est plus des entrepreneurs effectivement que des paysans. Pourquoi ? Parce qu'on a des notions d'entreprise et des notions d'entreprise. Quand je vous dis que l'énergie coûte cher, on a cherché des solutions pour avoir de l'énergie pas chère. Moi, je suis en train de monter une chaudière au bois dans les Landes aussi. Pourquoi ? Parce qu'on est venu, on sait que ce poste est un poste lourd. On cherche des solutions. C'est vrai qu'on gratte. On a gratté pour Vermilion pour arriver au bout. Il a fallu 3 ans. Pour eux, c'était l'opportunité d'avoir un beau moyen de communication et de valoriser quelque chose. Nous, c'est un moyen d'avoir de l'énergie pas chère. C'est un partenariat qui s'est fait, je dirais, presque naturellement. Après avoir s'être mis en relation, il a fallu travailler, hein, parce qu'on est dans une zone Natura 2000 et tout. Donc, mais tout le monde, même les élus locaux, sont allés aussi mouiller un peu la chemise aussi. Ce que je peux vous annoncer, c'est que s'il y a des gens intéressés, Vermilion a des puits de pétrole dans le centre de la France, est prêt à offrir l'énergie. Il y a l'équivalent de 7 mégawatts. Pourquoi nous, on n'ira pas ? Parce que je vous ai dit qu'on était des producteurs basés sur un axe de Bordeaux-Lyon et on n'ira pas se diversifier au-dessus. Donc chaque producteur chez Rougeline est un producteur indépendant. Ce n'est pas Rougeline qui porte les projets financièrement, c'est nous, agriculteurs, qui portons les projets, qui investissons. En fait, Rougeline, c'est juste notre marque pour peser plus lourd dans la commercialisation. C'est pas, elle ne va pas se porter garante financièrement des projets, des investissements. Donc c'est nous, en tant qu'entrepreneurs, qui prenons les risques et qui allons dessus. Et donc, pour essayer de voir comme n'importe quelle entreprise demain, si on sait qu'on a une marge de manœuvre sur l'énergie, ça nous permet de passer des moments difficiles quand il y a des méventes ou quoi. Et pour répondre à votre question, il y a d'autres exemples de valorisation. Sur Parentis aussi, avec un Civom, on valorise aussi l'énergie. C'est en cours, ça sera pour fin d'année, 10 hectares de serre. On récupère la chaleur sur l'incinérateur. Aujourd'hui, la chaleur était perdue. Dans la Gironde, sur la Pouillade aussi, on va récupérer de la chaleur. On va chauffer. C'est d'autres agriculteurs sous l'identité Rougeline qui, eux, historiquement, étaient des producteurs de tomates sur Marmande, qui se sont reconvertis à la fraise, qui ont laissé leur site. Et qui aujourd'hui, pourquoi on va aujourd'hui, l'agronomie nous a permis d'aller faire pousser n'importe quoi, n'importe où. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut aller vers des sites à côté de l'énergie. Avant, on faisait venir l'énergie chez nous, on amenait du gaz, on amenait des chaudières. Il y a eu la période où les charbonnages de France offraient les chaudières au charbon pour brûler du charbon. Les gens venaient chez nous. Nous aujourd'hui, avec la technologie, on peut aller planter des tomates n'importe où ou n'importe quel légume. Donc on va à l'endroit où on peut avoir de l'énergie pas chère, quoi, en fait. Et la durée en heure par an de chauffe. Et la durée de chauffage par année. On va planter au mois de novembre, la plante a besoin de 22 à 23 degrés. Donc vous imaginez en fonction du cycle, 22-23 degrés. Donc on plante en novembre, on va avoir les premières tomates avant fin janvier. Donc on va chauffer jusqu'à fin avril. C'est arrivé de chauffer au mois de juillet, au 14 juillet, quand il fait froid, quand il n'y a pas 22. Et on va chauffer, ben en ce moment on chauffe un petit peu le matin, il n'y a pas un, donc en fait on a 7 mois de chauffage, quoi. On consomme l'équivalent d'un hectare de tomates, c'est si vous coupiez une forêt de 10 hectares tous les ans, voilà, pour les écologistes. Alors, par rapport à l'Espagne et le Maroc, on les laisse. Ça nous dérange qu'il y ait beaucoup de volume et que les consommateurs achètent beaucoup de produits comme ça, mais c'est pas notre créneau. Nous, on a essayé de se différencier avec un produit de qualité. Et justement, tenez, je vais vous faire l'annonce que depuis quelques jours, on est certifié, on doit être la première entreprise en France dans notre secteur d'activité à être certifié 50001, la nouvelle certification sur l'énergie. Parce que on est là-dedans, quoi. Donc les importations de produits correspondent à une demande du consommateur. Nous, on a essayé de travailler une niche du consommateur qui nous permet d'être présent. Donc, c'est vrai qu'on est sur une démarche différente où on prend en compte l'environnement et les salariés. On a des chartes, on a beaucoup de certifications, ce qui nous permet d'ouvrir beaucoup de portes dans la grande distribution. Voilà.